Décryptage. Depuis des années, Ella Wardy lutte contre l'ignorance. Professeure de littérature et de civilisation française à l'université de Tunis, chercheuse associée du laboratoire d'études sur les monothéismes du CNRS, première femme, c'est tout récent, première femme tunisienne à siéger à l'Académie royale de Belgique à la chaire Monde francophone, elle s'est lancée un défi. Raconter aux musulmans et aux autres, bien évidemment, la véritable histoire de l'islam. Elle a commencé en 2016 avec un ouvrage remarqué et remarquable sur les derniers jours de Muhammad. Elle a poursuivi avec la saga des califes maudits dont le troisième volume, Meurtre à la mosquée, vient de paraître chez Albin Michel. Dans cette chronique, elle raconte le contexte dans lequel l'islam se transforme avec la période du califat après la mort de Mahomet. Avec une patience et une détermination bénédictine, elle révèle la violence politique d'une histoire shakespearienne. En la lisant, on comprend mieux les dérives contemporaines qui idéalisent la période du califat loin des réalités. En menant l'enquête sur les 10 ans de règne d'Omar, elle montre combien, le jour de son assassinat, l'islam a véritablement basculé. Décryptage, Laurent Lemire. Bonsoir Ella Wardy. Bonsoir Laurent Lemire. Je suis ravi de vous recevoir pour ce troisième volet des califes maudits. Alors, il devait y en avoir 5 et finalement le troisième boucle un peu. C'est un triptyque. Oui, c'est un triptyque. Et c'est vrai qu'au départ, comme il y a 4 califes qui ont succédé immédiatement au prophète, donc avant d'entamer ce grand projet, j'avais à l'esprit 4 tomes. Pour consacrer à chacun des califes. Or, le livre sur Omar qui vient de paraître, Meurtre à la mosquée, a tout changé parce que les révélations que j'ai trouvées dans les livres de la tradition m'ont montré qu'en fait, avec Omar, avec le deuxième calife, se termine une ère de l'islam. Et je pourrais même dire qu'avec lui, l'islam de Mohammed a été enterré. Oui, dont cette rupture dont nous subissons encore les conséquences. Absolument. Aujourd'hui. Absolument, absolument. De façon, d'une manière générale, tout ce projet que j'ai eu d'explorer les origines de l'islam, tout surtout à l'aune des conflits politiques qui ont vraiment perturbé la question de la succession du prophète, même durant ces derniers jours, je crois que ma motivation principale dans cette exploration a été de comprendre les conséquences, les répliques de ce séisme originel sur le monde contemporain. Donc vraiment, ça n'a aucun intérêt de connaître le passé simplement pour le regarder avec curiosité, mais pour qu'il nous parle, pour qu'il nous éclaire sur notre présent. Comment, Ella Wardy, vous est venue cette, je le disais, c'est un travail de bénédictin, cette envie d'accomplir ce travail d'historienne extrêmement méticuleux, mais alors c'est un livre qui se lit comme une tragédie, comme un polar, parce qu'il y a une véritable enquête. Mais qu'est-ce qui a été l'élément déclencheur? Je rappelais votre livre qui a eu un grand succès, Les derniers jours de Mohammed. Qu'est-ce qui a été le déclencheur de ça? Vous parlez Cette enquête, c'est-à-dire d'essayer de raconter ce qu'on ne raconte pas sur l'islam. Oui, en fait, c'est parce que tout le monde et pendant le début du XXIe siècle, avec les attentats du 11 septembre, donc ça fait 20 ans que cette violence religieuse au nom de l'islam occupe le devant de la scène. Et on le voit encore dans le procès à Paris des attentats, où on revendique encore en disant que c'est le véritable islam, c'est le djihad. Je pense qu'il n'a pas tort, parce qu'il y a une bonne partie de cette violence qui a été sacralisée par l'islam, par les textes, par les versets coraniques, etc. Mais ce qui m'avait au départ interpellé, ensuite c'est devenu une véritable passion, la passion de la recherche de la vérité, de la passion de la découverte, c'est en fait la ligne de tracer, essayer de tracer une ligne de démarcation entre le mythe et l'histoire. L'un des problèmes majeurs du monde musulman, c'est qu'il y a une sacralisation du passé. L'islam est présenté comme une religion intemporelle. Toute la première génération des musulmans est considérée comme des modèles à suivre, bien sûr le prophète en tête, et même ses successeurs immédiats qui sont présentés comme des califes bien guidés, on est censé suivre leur exemple, et d'une manière directe ou indirecte, le musulman rêve de la restauration de ce régime infaillible qu'est le califat. Et j'ai senti tout de suite que pourquoi, puisque c'est un régime infaillible, alors pourquoi le monde musulman est dans une situation aussi catastrophique? Et là, j'ai senti qu'il y avait réellement une confusion totale entre l'histoire et la mythologie. Et je me suis dit, tiens, peut-être que dans les livres de la tradition, je pourrais faire un traçage et vraiment isoler la partie historique de la partie légende, qui finalement, c'est la partie de la croyance sur laquelle personne ne peut intervenir, mais il y avait aussi une partie historique dans laquelle l'histoire de l'islam n'a pas été agitée par des idées, par de la sacralité, non, mais par des conflits politiques, par des ambitions, par l'opportunisme, et surtout par le tribalisme primaire qui a toujours sous-tendu les rapports du pouvoir pouvoir en islam. Donc c'était ça la démarche intellectuelle originelle, mais il fallait que cette exploration ne se reste pas sur le théorique. Il fallait travailler sur des faits, sur des épisodes bien déterminés. J'avais besoin d'une connaissance empirique, à la fois en explorant les textes et aussi en explorant des éléments bien précis dans l'histoire de l'islam. Parce que c'est dans le détail, très souvent, que l'on trouve des réponses aux grandes questions. J'ai commencé par la mort du prophète, énigmatique. D'ailleurs, vous pouvez imaginer facilement que tous les tomes que j'ai publiés jusque-là sont tous traversés par le motif de l'énigme, du mystère. Parce que, effectivement, l'histoire de l'islam reste mystérieuse, et non pas parce qu'elle est en elle-même mystérieuse, parce que tout simplement, il y a eu une grande opération d'occultation, falsification de cette histoire. Et moi, j'essaie tout simplement de faire un peu compromettre. Je vole le feu et je le donne aux hommes. Donc, les épisodes que j'ai essayer de reconstituer à travers les sources de la tradition elle-même, la mort du prophète, la question du règlement de sa succession dans le tome 1 des califes maudits et la malédiction de sa fille Fatima. Ensuite, le premier califat qui a duré 2 ans et qui était vraiment un califat ponctué de guerres et de ce qu'on appelle les guerres d'apostasie pour imposer ce premier calife qui n'était pas tout à fait légitime mais qui s'est imposé par la force. Et maintenant, le troisième tome de la série est consacré au calife Omar qui n'est sûrement pas le premier venu dans l'histoire de l'islam. Pour les sunnites, c'est sans doute le personnage le plus important après Mohammed. Oui. Vous écrivez donc, il n'y a pas dans ce. Vous écrivez, El Awardi, notre but n'est ni de juger Omar, ni de la glorifier, pas plus que de le dénigrer, mais de révéler l'homme qu'il a été. Ce qu'il perd en légende, il le gagne en humanité. Donc ce n'est pas une... on pourrait vous dire, mais El Awardi, elle cherche à désacraliser l'islam. C'est pas ça. Oui, je le désacralise. Vas-y. Pourquoi pas, c'est pas interdit par la loi de désacraliser, mais l'acte, de toute façon, l'acte de la recherche de la connaissance, l'acte scientifique, l'acte rationnel, est toujours un acte iconoclaste, forcément. Et d'ailleurs, là, même si le reproche pourrait me venir du monde musulman, je pourrais leur rappeler le geste, disons, fondateur du prophète lui-même qui a détruit les idoles. Donc moi-même, j'essaie, comme le prophète, de détruire les idoles. Et d'ailleurs, Omar, et comme tous les compagnons du prophète, ne sont en rien des êtres sacrés. Ils ne sont même pas cités dans le Coran. Et donc, leur sacralisation vient du poste qu'ils ont occupé, calife. Et cette sacralisation a été instrumentalisée par les générations suivantes pour légitimer le pouvoir. Donc on sacralise Omar, on sacralise Abou Bakr, les premiers califes, pour un peu récupérer de leur sacralité et la envelopper l'autorité califale profane. Donc c'est un leurre que de dire que ce sont des personnages sacrés. Le prophète lui-même ne se présentait pas comme un être sacré, c'est écrit noir sur blanc dans le Coran. Donc je les traite comme des hommes de pouvoir, des hommes politiques, et je pense que cette humanisation, qui peut-être si le prix à payer est la désacralisation, pourquoi pas, puisque comme je l'ai dit tout à l'heure, mon travail, le geste qui préside à tout ce que je fais, c'est tracer, séparer la légende de l'histoire. Donc il y a peut-être des musulmans sunnites qui croient que Omar est un inspiré, qu'il est enveloppé de l'auréole du sacré. Libre à eux, je ne discute pas les convictions, les croyances des uns et des autres, mais simplement à travers des faits que je trouve dans la tradition musulmane elle-même, dans des textes que tout le monde pourrait lire. Absolument. À condition de parler l'arabe, bien évidemment. Moi, j'essaye justement de faire le travail de transmission, le travail de passeur, en traduisant un peu ce corpus arabe qui est difficile d'accès à la vérité. Hein, mais quand on se familiarise avec ce corpus, on s'y retrouve. Mais quand même, ce n'est pas simple. Tous les textes que vous citez dans ce livre, comme dans les précédents, ce sont pas des textes qui sont cachés. Pas du tout, c'est numérisé sur le net. C'est les sources les plus orthodoxes du sunnisme. Donc c'est le problème n'est pas dans les textes, le problème est en nous. C'est nous, quand je dis nous, c'est-à-dire dans le monde musulman. Il y a une paresse intellectuelle, on laisse les gens réfléchir à notre place, répondre à nos questions, nous donner du prêt à penser, nous servir parfois de véritables sornettes, et on est là à avaler toutes sortes de couleuvres sans que personne ne dise « mais attendez, je vais aller vérifier quand même tout cela dans le texte, il est accessible ». Et c'est ce que je fais à chaque fois. Je dis à mes lecteurs que j'ai l'occasion de rencontrer, ils me disent « mais c'est pas ça ce qu'on nous a dit, c'est pas ce qu'on nous a raconté ». Je leur dis « mais bon, vous avez les sources, je les mets à la fin du volume ». C'est pour vous inviter à lire. Moi, je donne ma version que j'ai pu dessiner à travers les éléments que j'ai recueillis moi-même. Si vous trouvez autre chose, et d'ailleurs, je peux vous le dire, Laurent, depuis maintenant 5 ans que j'écris sur cette question-là, aucune information dans mes livres n'a été remise en cause. Tout le monde sait que c'est ce qui est écrit dans les livres. Est-ce que vous avez quand même le sentiment de travailler sur une matière sensible ? Plus maintenant. Au début, c'est vrai, j'ai évolué. J'ai une attitude, déjà, comme je l'ai dit tout à l'heure, il y a une familiarité qui se crée avec ce corpus. On est plus à l'aise, parce que c'est toujours les mêmes. Hein. Ouais. C'est un corpus relativement fermé. Donc, il y a une aisance qui s'est installée avec le temps. Et surtout, il faut dire que vous avez eu la gentillesse tout à l'heure de dire de moi que j'étais courageuse. Mais en fait, j'ai remarqué que finalement, il y a une grande majorité silencieuse dans le monde musulman, surtout le monde musulman francophone, qui a lu mes livres et qui lui a réservé un accueil plus que favorable. Ça veut dire que le besoin que j'ai eu, moi, dans cette recherche de la vérité, il était en adéquation avec le besoin de beaucoup d'autres personnes comme moi. Donc, le mur de la peur a été tout de suite éliminé, parce que j'ai senti une véritable complicité avec mon lecteur. Qui est là et j'écris pour lui. Avant, le premier livre, c'est vrai que je l'écrivais un peu pour moi-même, ne sachant pas... Justement, quel est votre rapport à l'islam, El Awardi ? Il y a deux islams pour moi. Je côtoie deux islams. L'islam culturel que j'ai toujours côtoyé dans le cercle familial. Yeah. Et c'est un islam fort sympathique parce que c'est un islam ponctué de fêtes. C'est l'islam pieux, serein de ma grand-mère. Il a le visage pieux et serein de ma grand-mère. Et surtout pour nous en famille, quand est-ce qu'on pense à l'islam? C'est quand il y a le mouled, la fête de la naissance du prophète, on fait la laïd avec les gâteaux, le barbecue. C'était l'occasion de grandes réunions de famille. C'était un islam, j'ose dire, même épicurien. Chaque fête avait son plat, son rituel très festif. Mais après, il y a eu un autre islam. Celui que auquel j'étais confrontée, surtout après les attentats du 11 septembre. Ça, j'avais l'impression de prendre les avions dans la figure. Et ces gens-là, Al-Qaïda, Oussama Ben Laden, mais d'où ils sortent, ces gens-là? C'est des musulmans. Oui, c'est des musulmans. Mais qu'est-ce qu'ils disent? Au départ, il y a eu cette réaction de déni autour de moi. Non, ce n'est pas l'islam. Non, c'est OK. Et petit à petit, je découvre un autre visage de l'islam qui peut être l'islam réel. Et l'islam que j'ai toujours connu depuis mon enfance, c'est un islam apprivoisé. Il a été domestiqué. Il est entré dans les maisons. C'est l'islam des foyers. C'est comme un animal sauvage qui a été dressé. Par ma grand-mère. Ma grand-mère a dressé l'islam de manière à en faire une fête permanente. Et contre justement cette violence que vous décrivez. Elle n'existait pas. Dans ces califes maudits, on voit là, il y avait violence. Je l'ai découvert maintenant. Personne n'est venu me dire que Omar. Vous dites qu'à un moment donné, c'est une sorte de Robespierre. Ah oui, l'incorruptible qui finit sur l'échafaud. Assassiné. C'est Henri IV. C'est aussi Kennedy, c'est Abraham Lincoln, c'est surtout le Thomas Becket, l'archevêque de Canterbury. Oui. Il est mort sur scène, dans la cathédrale, et Omar est mort dans la mosquée. Et quand vous dites à un musulman, Omar est mort et en train de faire la prière, il va vous regarder en écarquillant les yeux. Parce que c'est pas quelque chose qu'on nous raconte. On nous dit Omar le juste, etc. Mais personne ne va vous dire il est mort assassiné en faisant la prière, parce que cette information va entraîner une question inéluctable. Pourquoi? Et qui l'a fait? Et à ce moment-là, on ouvre la boîte de Pandore. C'est ce que vous faites d'ailleurs, d'une certaine manière. Vous montrez, l'enquête est vraiment passionnante. On ne révélera pas, parce que c'est vraiment une enquête policière, et vous expliquez. Qui a pu tuer Omar À qui profite le crime? Et vous dites effectivement que on a accusé quelqu'un qui un esclave chrétien ou zoroastrien ou musulman. La question n'a pas été réglée. Voilà, et qui s'est suicidé après avoir commis son crime. C'est étrange. Oui. C'est vraiment. En plus, on nous dit que c'est quoi le mobile du crime? C'est que cet esclave perse qui appartenait à un gouverneur de Omar est allé voir le calife pour lui demander d'intervenir auprès de son maître pour alléger un peu la redevance qu'il lui paie. Et Omar lui dit, non, de toute façon, toi, tu gagnes très bien ta vie, tu as beaucoup de métiers, donc c'est pas beaucoup ce qu'il te demande. Et visiblement, le Perse a été complètement dépité par cette réponse, et donc il veut se venger du calife. Je me suis dit, mais en quoi est-ce que le meurtre du calife pouvait régler le problème fiscal de ce malheureux? Et s'il l'a fait pour se venger du calife, parce qu'il ne l'a pas aidé, pourquoi se suiciderait-il? Et pourquoi les chiites nous disent que finalement cet esclave ne s'est pas suicidé, mais qu'il a réussi à fuir en Iran et que maintenant il y a un mausolée chez les chiites qui lui est dédié et dans lequel on célèbre sa mémoire? C'est quoi cette histoire un peu étrange? Et là, j'ai commencé, je me suis dit, il y a certainement beaucoup, beaucoup à apprendre. Et effectivement, je n'étais pas déçue parce que les auteurs de la tradition ont laissé beaucoup, beaucoup d'indices. Et l'avoir dit, je vous propose une petite respiration musicale. On va revenir dans la deuxième partie de l'émission, évidemment, sur ces califes maudits. C'est une chanson d'Adamo, Inch'Allah. Radio Notre-Dame.

On a souvent comparé Omar comme quelqu'un qui justement permet aux musulmans de sortir d'une sorte de clandestinité. On l'a comparé un peu au Saint Paul des chrétiens. Ah oui, tout à fait. Il y a un parallèle extraordinaire à faire. Il a été fait d'ailleurs par certains articles, mais des articles d'une teneur plutôt académique. Mais faire un parallèle systématique entre les deux personnages, à mon avis, serait des plus pertinents. Malheureusement, j'ai des connaissances un peu rudimentaires concernant la biographie de Saint Paul, mais c'est un personnage qui a attiré ma curiosité, surtout quand j'ai commencé à explorer le personnage de Omar et de voir le parallèle avec Saint Paul. Mais le rôle qu'ils ont joué l'un et l'autre, respectivement pour le christianisme et l'islam, est similaire. Comme si chaque religion, pour asseoir sa domination, pour s'imposer à l'échelle universelle, avait besoin de ce personnage locomotive qui fait sortir une religion de ses frontières, de sa contingence géographique et culturelle. Et c'est ce que Omar a fait avec l'islam. Et là, Wardi, quand vous avez plongé dans ces textes de la tradition, donc maintenant depuis quelques années, est-ce que vous avez été surprise par... je regrette, c'est des personnages extraordinaires, parce que d'abord, vous les racontez très bien, il y a des portraits formidables, mais il y a cette violence. Est-ce que vous avez été surprise par cette violence qui n'est pas que politique, parce qu'on se massacre hein, quand même. Oui, oui. On s'assassine, lui, il est assassiné dans la mosquée, les précédents aussi. Il y a Et pas seulement dans les champs de bataille, parfois c'est des assassinats de sang-froid. C'est ça ce qui c'est les Atrides, en fait. Absolument. Et surtout quand on nous dit que ce sont les compagnons du prophète, donc ils sont censés être solidaires, former un groupe. Qui est un groupe plutôt homogène. Ils sont unis par les mêmes croyances, animés peut-être par les mêmes ambitions. Et là, j'ai constaté qu'ils sont des ennemis intimes. Et le fait que, on parle de violence dans l'islam, sur le champ de bataille, les conquêtes, les razzias, etc., ça, c'était depuis le temps du prophète. Il faut pas se leurrer, il faut pas se voiler la face. Le prophète était un guerrier. C'était pas un homme de paix. Donc, à mon avis, quand quelqu'un vient dire dans les médias ou dans des livres, il nous dit que le prophète Mohammed était un pacifiste, je pense que il se ment à lui-même, soit il se ment à lui-même, soit il ment aux autres. Donc, mais il y a mensonge avéré. J'ai entendu, j'ouvre juste une parenthèse, si vous le permettez. Bien sûr. Quand il y a eu le meurtre absolument atroce de Samuel Paty, je suivais bien sûr la couverture médiatique, on était tous atterrés par ce qui s'est passé, et on voyait défiler dans les médias beaucoup de représentants autoproclamés de l'islam, qui nous disent « Mais non, ça n'a rien à voir avec l'islam, le prophète était un homme de miséricorde, de pardon. » Alors que celui qui a commis ce meurtre abominable, il a imité textuellement ce que le prophète a fait quand un poète juif du nom de Ka'b ibn al-Ashraf s'est moqué de lui dans des vers satirique. Il a demandé à ce que sa tête soit coupée. Donc, l'assassin de Samuel Paty, il a certainement eu accès, je ne sais pas par quel moyen, à cette histoire-là, et il a, en commettant son horrible crime, l'impression de rendre doublement hommage au prophète, en le protégeant de ce mécréant qui ose afficher les caricatures, mais aussi il lui rend hommage en reproduisant son geste. Donc, ça, pour dire que, pour revenir à votre question, cette violence-là, il faut que la question soit réglée une fois pour toutes. Alors, soit on est suffisamment courageux pour dire, ouvrons le Coran maintenant, on fait l'inventaire C'est comme ça, quand vous voyez, vous avez quelqu'un qui a une crise, un magasin, alors maintenant on va refaire l'inventaire, on ouvre le livre des comptes, on va refaire, on recalcule. Mettons les sourates, les versets, qui sont quand même assez nombreux, hein. Autour de 70 versets, plus ou moins explicites, incitant à la violence, envers tout le monde. C'est la guerre contre la terre entière. Il faut les abroger, avoir le courage de les abroger. Il faut par exemple qu'en France, on publie un Coran sans ces versets-là. Un acte d'autorité. Bien sûr, vous me direz, ça va être une révolution. Il faut la faire, cette révolution. Tôt ou tard, il faut la faire. On attend quoi? On attend un autre 11 septembre? On attend un autre 13 novembre? Quand est-ce qu'on va réagir? Il y a d'un autre côté des gens qui n'ont pas peur de mourir, qui mettent des bombes partout, qui c'est une violence aveugle qui ne distingue plus ses victimes. Et nous, on a une attitude à mon avis, cynique, de dire « Ah non, non, finalement, ce n'est pas l'islam, ce n'est pas l'islam. » Ces gens, ils sont pas sur la bonne voie. Mais ce sont des musulmans. Quand quelqu'un... Imaginez, Laurent, vous, nous sommes ici dans ce studio, et quelqu'un va entrer, ouvrir la porte et dire « Allahu Akbar ». Qu'est-ce qu'on va faire tous les deux? On va se cacher sous la table. Parce que « Allahu Akbar », qui appelle la première phrase qui appelle à la prière, est devenu synonyme ou annonciateur d'un massacre. Oui, d'un massacre à venir. Donc, tant que on n'a pas réglé ça à l'origine en disant, voilà, regardons ce qui se passe. Il y a bien une raison, c'est l'islam. Mais ce qui est extraordinaire dans tout cela, c'est que cette violence-là, les premiers à en payer la facture, ce sont les musulmans eux-mêmes. Parce que les califes, peut-être que les auditeurs ne le savent pas, les califes soi-disant bien guidés, ils sont tous morts assassinés. Même le premier qui, dans la version officielle, il serait mort dans son lit. Mais l'hypothèse de l'empoisonnement est déjà fortement mentionnée dans les livres de la tradition. Mais les trois autres, mais une violence inouïe. Alors, et pas n'importe où, tués par des musulmans d'ailleurs. Hein. Omar en train de prier à la mosquée. Othman, ça c'est alors là quelque chose d'absolument effarant. Il est mort un peu comme Kadhafi, c'est-à-dire qu'ils sont allés chez lui, ils l'ont battu à mort, il a été battu à mort. Et Ali est mort, le quatrième, il est mort dans les mêmes circonstances que Omar en train de prier à la mosquée. Donc, et ce sont des musulmans qui l'ont fait. Hein. Donc, c'est cette violence-là, à la fois sacralisée parce qu'elle fait partie intégrante de l'épopée du prophète lui-même, et en plus... Parce que cette violence-là, qui est sacralisée, parce que elle a été prolongée dans la success story des califes. Pourquoi est-ce qu'on les prend comme modèle, en fait? C'est parce qu'ils ont réussi. Ils ont profité, bien sûr, de l'affaiblissement. Ça, c'est les raisons géostratégiques de l'affaiblissement de l'Empire sassanide en Iran et de l'Empire byzantin en Syrie. Et aussi de l'aide des chrétiens coptes en Égypte, qui ont été bien contents de se débarrasser des chrétiens byzantins. Donc, il y avait quand même les vents étaient favorables. Donc, le musulman, il va dire cette violence est non seulement sacralisée parce qu'elle a été portée par le prophète, mais aussi elle a abouti à cet âge d'or, à cette conquête absolument prodigieuse qui est arrivée jusqu'à Poitiers. Donc, pourquoi est-ce qu'un musulman ne s'identifierait pas dans cette success story en rêvant de la reproduire? C'est ce qui se passe chez certains djihadistes qui retrouvent ça, cette tradition, légende. Mais ils sont bien contents de la restaurer. El Awardi, pourquoi il y a si peu, parce que le travail que vous accomplissez, il est assez rare aujourd'hui, notamment dans les pays musulmans. C'est-à-dire que pourquoi des intellectuels musulmans, et pourquoi pas les imams, ne font pas ce travail-là de relire, de lire ces textes qui sont disponibles et de proposer justement une autre histoire, une histoire beaucoup plus réelle, proche de la vérité de ce qu'ont été ces califes. Oui, mais... Parce que c'est vrai que vous avez raison, c'est rare, mais il y a des travaux, hein, honnêtement. Il y a des travaux surtout en langue arabe, mais qui ont une diffusion, qui sont malheureusement non. Parce qu'on a l'impression qu'effectivement ce travail-là, il est pour l'instant réservé aux intellectuels, aux lettrés. Voilà, les lettrés, et c'est ça l'inconvénient des lettrés arabes, c'est qu'ils ne sont pas de bons bilingues, sauf une certaine génération d'entre eux. Donc soit s'ils ont de la chance, ils se font traduire. Mais eux-mêmes, moi j'ai eu cette chance en fait d'être parfaitement bilingue, d'être à l'aise en arabe pour lire, pour comprendre et d'écrire en français. Ça, c'est vraiment les circonstances favorables, c'est la chance que j'ai eue. N'empêche qu'il y a eu toujours, depuis toujours, un travail de déconstruction-reconstruction de l'islam. Mais il y a eu tellement de représailles. Tellement de représailles. Je prends l'exemple dans les années 80 de ce théologien soudanais qui a justement, à cause de cette question de la violence, il s'appelle Mohamed Mahmoud Taha. Personne n'entend pas parler de lui. Voilà. Il a écrit, d'ailleurs, ses livres sont maintenant traduits en français. Son livre s'intitule « Le deuxième message de l'islam ». Il a constaté que ce problème de la violence, on ne va pas le résoudre comme ça. Il a dit précisément, écoutez, ce qu'on va prendre du Coran, c'est juste les versets révélés à la Mecque, avant l'émigration à Médine. Parce que les versets révélés plus tard, après l'émigration, quand le projet de Mohammed n'était plus religieux, mais un projet politique, et un projet économique, ça ne nous regarde pas. C'est historique. Ce qui nous intéresse, c'est les versets révélés à la Mecque, c'est-à-dire à l'aube de la révélation. C'est le cœur pour lui, c'est le fondement même de l'islam. Tout ce qui vient après, ça a été adressé aux contemporains du prophète. Donc nous, en tant qu'hommes et femmes du XXe siècle, ça ne nous regarde pas. C'est quoi la réaction à ça? C'est un théologien, je dis bien, c'est pas un philosophe. Non, c'est un théologien qui a fait ses études à Al-Azhar. Condamné à mort pour apostasie. Et il a été pendu par le général Noumaïri. Et qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là, devant bien sûr l'indifférence totale de la communauté internationale? Mais ils ne savent pas qu'en fait, ce Mohamed Mahmoud Taha, le Soudanais, est un peu l'ancêtre de Samuel Paty. Et aussi, la communauté musulmane, à travers ce qui s'appelait à l'époque la conférence islamique, ont remercié Noumaïri d'avoir débarrassé le monde musulman de cet apostat dangereux. Donc, vous voyez, bien sûr qu'on reste traumatisé par ça, par cette... bien sûr, il y a eu une réhabilitation, entre parenthèses, de Mohamed Mahmoud Taha, mais c'est trop tard. C'est trop tard. C'est grâce à sa fille, notamment, qui a beaucoup fait pour réhabiliter la mémoire de son père. On voulait même pas l'enterrer dans le cimetière des musulmans. C'était atroce. Enfin bref, donc tout ça pour vous dire qu'il y a des velléités dans le monde musulman, mais c'est des velléités qui sont solitaires. Ils ne sont en aucun cas aidés et soutenus par le pouvoir politique. Moi, peut-être... Ces velléités en Tunisie, elles existent? Oui, elles existent. Oui, depuis toujours, depuis les années 30. Et Bourguiba, avec la réforme très, très audacieuse qu'il a opérée en Tunisie, il est un peu dans une longue filiation de réflexion profonde sur l'islam. D'ailleurs, l'exégète tunisien contemporain, qui a fait vraiment un travail formidable d'exégèse du Coran, il a choisi deux mots, deux concepts pour intituler son exégèse. Tahrir, Tanwir, la libération et les Lumières. Libération et lumière. Donc, il y a quand même un souffle. Mais malheureusement, comme la Tunisie n'est pas isolée, hein, on n'est pas sur une île, on a subi des influences, surtout à travers les chaînes satellitaires qui viennent du Golfe, etc. On a été nous-mêmes traumatisés par cette cette peur de l'islam qu'on commence à ressentir. Donc forcément, il y a eu un figement de ce mouvement, de cet élan vers la modernisation. Mais on peut aussi ne pas parler de violence, parce que chacun de nous pourrait dire oui, la violence, quand même, c'est une manifestation extrême, comme pour les supporters d'une équipe de foot, ils sont pas tous des hooligans, Dieu merci. Mais on peut par contre déplacer le débat sur un autre terrain, celui de l'égalité, celui de la liberté de conscience. Pourquoi est-ce que, je donne un exemple, j'essaie toujours de raisonner par des exemples. On n'a plus que quelques secondes, oui. Il va falloir conclure, vous allez l'avoir dit. Alors, juste cette idée, une question que je pose à des musulmans qui m'écoutent ou à des imams. Pourquoi est-ce que jusqu'à maintenant, un non-musulman n'a pas le droit d'entrer dans une mosquée, alors que le musulman a le droit d'entrer dans une église et dans une synagogue? Eh bien, merci El Awardi. Je renvoie à votre livre formidable, Calife Maudit, Meurtre à la mosquée, publié chez Albin Michel. Merci. C'était infiniment. Décryptage avec la collaboration de Céline Laurence et Yann Quinto à la réalisation. Retrouvez le podcast de cette émission sur le www.radionotredame.com.